Activité 6, compréhension orale. Première écoute. Avec son charme villageois et ses nombreux immeubles datant du XVIIe siècle, Saint-Germain-des-Prés, apprécié des Parisiens comme des touristes, est encore plus animé aujourd'hui qu'à l'époque où Boris Vian, Jean-Paul Sartre ou Juliette Gréco ont rendu célèbres le Flore, les Deux Magots, la Brasserie Lippe et les caves telles que le Tabou, où l'on dansait jusqu'à l'aube. Ces célèbres artistes et hommes de lettres entretenaient une tradition intellectuelle beaucoup plus ancienne. Proudhon, Sainte-Beuve et Delacroix y ont vécu en leur temps près de l'Institut et de l'École des Beaux-Arts. Les grands éditeurs ont commencé à s'y installer dès la fin du XVIIIe siècle et les bibliophiles y trouvent toujours de superbes librairies, voisines de nombreuses galeries d'art et des magasins de décoration intérieure, de haute couture ou d'antiquité. Deuxième écoute. Avec son charme villageois et ses nombreux immeubles datant du XVIIe siècle, Saint-Germain-des-Prés, apprécié des Parisiens comme des touristes, est encore plus animé aujourd'hui qu'à l'époque où Boris Vian, Jean-Paul Sartre ou Juliette Gréco ont rendu célèbres le Flore, les Deux Magots, la Brasserie Lippe et les caves telles que le Tabou, où l'on dansait jusqu'à l'aube. Ces célèbres artistes et hommes de lettres entretenaient une tradition intellectuelle beaucoup plus ancienne. Proudhon, Sainte-Beuve et Delacroix y ont vécu en leur temps près de l'Institut et de l'École des Beaux-Arts. Les grands éditeurs ont commencé à s'y installer dès la fin du XVIIIe siècle et les bibliophiles y trouvent toujours de superbes librairies, voisines de nombreuses galeries d'art et des magasins de décoration intérieure, de haute couture ou d'antiquités.